Hey Gringe. Ouais. Tu vois, quand dans les films, y a plus personne qui peut sauver le monde et ils sont obligés de réunir une équipe d'experts qui a pas travaillé ensemble depuis longtemps. Non, je vois pas. J'ai fait un album qui parle que de ma meuf et de la société, ça te dit qu'on fasse un morceau. Docu sur Amazon, on les Bezos. J'arrive sur scène habillé comme un Tecos. Si je sors avec une bombe, elle finit Lesbos. Fax. Le problème des bombes, c'est qu'elles explosent. Boom. Tes cauchemars, on les exauce. Avant, on était des beaufs. Troyer à bête, Saitama et Genos. T'emmènes ta meuf au resto, j'la détourne avec une pasta box. Casseur flotteur, on court tout droit vers la catastrophe. Entre Terrence Malick et Terrence et Philippe, San. J'suis une star, j'peux pas baiser les civils. Non, j'contrôle les machines. Ouais. Boston Dynamics, mm-hmm. J'suis une star, mon fils sera un fils de pute fragile. Ils voulaient pas croire en moi, tous ces fils de platistes. J'baisse le rap comme un raciste. J'suis dans cette pute comme le Cialis. Tu fais de la musique pour les graphistes. Dick pic en NFT. Un bisou au MLF. Ouais. J'me suicide en CBD. Le physique en PLS. Aïe. J'ai jamais investi dans la crypto. Jamais. Du coup, j'ai sorti un bouquin sur les schizos. Yeah, ouais. Bim bada bim. Bim bada boom. Deux. Hey. Bim bada bim. Bim bada bada boom. Deux. Bim bada bim. Bim bada boom. Deux. Okay. Avant, ils étaient cool. Maintenant, ils sont cool. Deux. Deux. Casseur flotteur jusqu'à l'infini. Infinity. Casseur flotteur jusqu'à l'infini. Infinity. On éclate le champagne au ralenti. Nos mères nous ont pas fini. Donc, on sera jamais fini. Ok, je suis le plus connu de ma ville avec Guillaume le conquérant. Ouais. J'ai le statut d'une légende, t'as le statut d'intermittent. Ouais. Je rappe pas pour les chiffres, sinon je serais banquier comme le président. Secret veut pas que je mette mon âge dans mes sons parce que j'ai 39 ans. C'est faux. MMA pas comme les assurances. T'as percé dans la manutence. Maillot de foot du Groenland. On crache le feu, tes oreilles flambent. Whisky coca, je me brosse les dents. C'est toujours green, j'ai or et le sang. Ça sera jamais cohérent. Oh là là, oh là là, tout casa es mi casa. Modelo à Mexico, Sapporo à Osaka. Or et le sang, j'ai de retour, on a mis les potaras. Traîne pas dans notre basse-cour, on passe du coq à l'âne. Gringe, mm-hmm. T'es sûr de ta dernière punch? Non, je sais, elle est nulle, pourquoi? Non, comme ça. 3 ans que j'ai pas rappé, bloqué sur mon canapé. Je vais du point A au point B en passant par tout l'alphabet. Ouais. Ah, c'est marrant, ça me fait pas marrer. J'écoute jamais les critiques, j'écoute que Adèle et Shadé. T'es nous en wish. Baiser des mères, c'est le pitch. Dans le système comme un glitch. J'existe pas comme les problèmes de riches. Swish. T'es back à la don't cheat. Galant, je lui paye le hitch. Higo, je parle aux fantômes comme dans Bleach. Tout est carré, tout est gym. Je contrôle le net comme la Chine. Je me fais tuer dans tous mes films. Casseur flotteur origine. Ça fait bim bada bim. Bim bada boom. Deux. Bim bada bim. Bim bada bada boom. Deux. Bim bada bim. Bim bada boom. Deux. Avant ils étaient cool, maintenant ils sont cool. Deux. Casseur flotteur jusqu'à l'infini. Infinity. Casseur flotteur jusqu'à l'infini. Infinity. Degré zéro quand on réfléchit. Fait pleuvoir les confettis. Casseur flotteur infinity. Ok. A-t-il à l'infini. Ti.